Les personnes âgées coréennes ont passé joyeusement la journée internationale des personnes âgées. Le premier courant, le grand théâtre de Pyongyang, a abrité l'opéra révolutionnaire « Je vois la victoire de la révolution ». Y ont assisté le vice-président du présidium de l'Assemblée populaire suprême, Yang Yong-sop, des cadres intéressés avec des prisonniers non convertis à long terme, des vétérans de guerre, des méritants et autres personnes âgées de la ville de Pyongyang. Au spectacle ont été invités les diplomates de divers pays et les membres des institutions internationales en Corée, ainsi que des compatriotes d'outre-mer en séjour dans la patrie socialiste. Le même jour, des permanents et fonctionnaires des établissements du parti et du pouvoir se sont rendus à l'asile de retraite dans tout le pays avec des souvenirs et articles de consommation courante. Des sites pittoresques et parcs de distraction dans la ville de Pyongyang et dans toutes les provinces ont abrité des jeux de ludique des personnes âgées, alors que des restaurants ont accordé des services particuliers pour les personnes âgées.